blast, MC la patate pour mettre le rap à sa place. Trop marre des MC qui blast, j'ai qu'un ego qu'à la classe. C'est fatal, ça fait mal, ça décrasse, ça déclasse. Le son rafale qui déballe, qui surclasse. Toi t'avales, 7-7-4 pour ambiance. Blasta derrière la séance, ton son manque de méfiance. Pointe un schlass derrière séance. Avec homicide on opère, prenant la fierté de nos pères. On essaye de se mettre au beurre, sans s'esquinter les non-pères. Pouvoir contrôler nos peurs et faire sourire nos mères. Je veux réussir comme rappeur, car dans la vie je suis comme Homer. Comment faire ces sacrifices avant les allocs? Pour faire connaître mon talent, il a fallu que je fasse un bloc. Garder des rimes en stock pour préserver la tête pas. Le crime me tente pas, enfin si le succès ne tarde pas, je garde pas le sourire. J'essaie de garder la patate, je pose par quatre mesures pour mes renois, rebeux et pas calme. Replacer ces mesures de rap pour leur montrer que ça vient de Paname. Tellement de potentiel dans le coin qu'au final ça devient banal. Comme gagner une coupe dans une finale qu'on a banane. Une simple banderole et la Paname devient le diable. C'est Neymar mon gros, oui ça vient du double 7. Fini le niveau double fait, on vient pour jouer les troubles faits. Jour de grève aujourd'hui, j'ai tous les wack MC, pas de YMCA. Mais depuis quand les noirs aiment skier? Moi j'aime ce qui est vrai, mes potes, et puis les voir signer. Rapper par passion, pas dans le but de faire du ciné. Je suis halluciné quand je vois que même un adulte s'y met. Depuis le 6 mai, ma patata. Moi c'est ma dulcinée, la vie est dure c'est vrai, mais pas autant que ma motive. Mais moi me tire de la merde, telle une bête de locomotive. Ta blast MC la tape pas, ça c'est l'être motif. Je m'engage dans le hip-hop car y'en a marre des lettres de motif. T'as vu son, il donne la gouache. Même si t'aimes pas, garde la pêche. Garde ma fraîche près de moi, même si le système m'en empêche. Moi j'empoche pas grand chose sauf la tête du public qui bouge. Les conseils de Blasta, Inch'Allah, bientôt il plie bouge. La patate, c'est ça, une motivation de vainqueur. Marquer les esprits, les gens connaissent, j'ai vu par cœur. Tacler les sceptiques, toucher une jeunesse éclectique. Une France athlétique, mes sons concernent pas que les petits. Mes objectifs en vue, j'essaie d'avancer sans me retourner. Le passé te construit, mais c'est par lui que le doute naît. J'écoute les conseils distillés par la daronne. L'avenir est dans le bien, le bonheur, le viens pas par la carotte, je veux quitter mon bâtiment, faire des barbecues en pave, rôder en CL carré glow pour que les keufs en bave, me comporter en brave, être sûr, pas en avoir trop fait, tout en gardant la patate, décrocher un max de trophées. Va Blast MC, pour la tape rap explosive, aïe, RKV 2008.